Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Silver. Salut Sofiane, comment vas-tu? Ça va super, merci et toi? Ça va comme un lundi après-midi. Ouais, c'est sûr que là, c'est pas la même ambiance que sur scène, quoi. Ah non, non, pas du tout. C'est un nouveau truc. On apprend encore la vie d'artiste. C'est ça. Et justement, au cours de cette vie d'artiste et de ta carrière d'artiste, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ouais, j'en ai plusieurs. Je vais commencer par celle qui m'a le plus marqué, on va dire. C'est, ouais. Je crois que c'était au bout de quoi, je crois 2 mois de stand-up. Je me suis dit, vas-y, je prends tout ce qui... L'objectif, c'est de jouer. L'objectif, c'est d'avoir de la data, de l'expérience. Donc, ouais, du temps de scène. Exactement, et je te dis, là, j'ai commencé un peu sérieusement je crois que à l'époque, c'était en novembre 2019. J'ai joué un peu avant, tu vois, mais j'ai pas eu beaucoup de scènes, j'ai pas eu beaucoup d'expérience, tu vois. Donc, on me propose une chicha, on me dit, est-ce que t'es chaud? Je dis, ouais. En plus, j'étais déjà parti avec un pote humoriste dans une autre chicha. Ça, c'était très, très mal passé pour lui, mais j'ai l'impression que dans mon esprit, j'ai juste vu... L'argent, tu vois, j'étais en mode l'argent, je veux de l'argent, tu vois. En tout cas, je veux voir comment ça se passe et en même temps, je suis payé, tu vois. Donc, quand je vais dans une chicha, c'est une chicha un peu, en plus, c'est du haut niveau parce que tu manges, tu vois, ça fait restaurant vraiment, dire. Tu vois, c'est pas chicha, ça fait restaurant et ensuite chicha. Donc, je dis, vas-y, pas de souci. J'arrive 1 heure en avance. Et au début, tout se passe bien. Le gars, il me dit, il me met à l'aise. Il me parle, il me dit, ouais, tranquille et tout ça. Vous êtes que deux. Je dis, ok, pas de souci. Et il me dit, vas-y. En fait, on est 3, pardon. Et en fait, il y a un autre humoriste qui gère ça. Et lui, il joue pas. Je dis, ok, tout ça. Et après, donc, il me passe le menu. Et le menu, tu vois, il est cher. Je me dis, waouh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, ah, je paye pas parce que je suis humoriste, ça, tiens, les avantages de la vie d'artiste. Ouais. Dans tout ça, moi, je suis chaud, je me dis, ok, je révise un peu, tout ça. Et en fait, je me mets, à l'époque, j'ai pas encore de routine, comment dirais-je. Tu vois, comme c'est au début, je sais pas ce qui marche dans ce que je vais faire avant d'entrer sur scène. Donc, je me dis, vas-y, Silver, t'as un peu le track, écris ton sketch. J'écris les grandes lignes, j'écris mon sketch, mais j'écris 4-5 mots. Qui sont les grandes lignes de mon texte. Et je panique un peu. Comme moi, je panique, je vais aux toilettes, tu vois. Donc, je vais aux toilettes, je décompresse comme je peux. Mais ce que je fais, en fait, j'oublie, c'est quand je me lave les mains, parce que tu connais, propreté oblige, tout ça. C'était avant Covid. Oui. Je lave bien mes mains. Ça fait que j'oublie mon texte, et mon texte, j'ai plus de texte. C'est-à-dire que mon texte, il n'est plus sur ma main. Je monte sur scène. Ah, tu l'avais écrit sur ta main, d'accord, mais tu l'avais écrit sur une feuille. Ah non, pardon, ouais, je l'ai écrit sur ma main, tout ça. Et je finis de décompresser avant de passer. Game 10, merci bien toi, prépare-toi, tout ça. Et en fait, quand il t'annonce, déjà, il faut voir le contexte. La salle, c'est quoi, en fait? C'est une espèce de restaurant. La scène, en fait, c'est une scène où les gens, ils mangent à côté. Genre, c'est comme un truc de top model, tu vois, les trucs, les plateaux. Un truc de défilé, ouais. Voilà, un truc de défilé. Et juste à 5 cm de toi, et ben, y a des gens qui sont en train de manger. Et ça fait et ça va, en fait, c'est genre c'est et ça fonce, on va dire, la scène elle s'allonge tout au long de la salle. Ça fait que t'es au milieu de la salle et c'est tu pars du fond de la salle jusqu'au bout de la salle et bah t'as une scène, c'est un genre de truc tout fin et tu peux marcher une espèce de je sais pas comment décrire ça, tu vois. Ouais, donc, ça fait comme un défilé de mode, quoi. J'imagine que t'as présenté la collection des billes de printemps été. Je crois même ça c'est trop gentil, même, parce que sinon tu vois, c'est que je vois le gars, il y a rien. Et à l'époque, j'ai pas beaucoup de data, tu vois. Je sais pas si ça va marcher, tu vois. Mm-hmm. Peut-être que ça va marcher. Je connais pas aussi le truc de une salle de stand-up. C'est faut que ce soit un peu petit, faut que le plafond il soit bas pour que les rires restent, tu vois. Faut que le public il soit resserré pour que, tu vois, tout ça, je sais rien. Le micro, il doit avoir une telle, le son, ça doit sortir d'une certaine manière. Tout ça, je sais pas. Sofiane, je sais pas. Je suis en mode. J'arrive. Quand j'entends le son, je dis, ah, il parle fort. Et je suis moi, quand j'étais en train de manger, pardon, quand il me donne le menu, j'étais en haut. Ça fait que dès qu'il m'annonce, je traverse toute la scène. Ça fait que je vois tout le monde. Et j'ai une phrase, il dit, ouais, faites un maximum de bruit pour Silver. Tu as traversé toute la foule. Donc ça fait que tu as vu les visages de tout le monde et ça t'a mis en stress, quoi. Je vois, en fait, c'est comme si tu vois, en fait, tout ton quartier. Je sais pas mon quartier, mais je vois tout mon quartier. C'est-à-dire que je vois que les gens, des têtes des gens que je connais et qui sont en mode, gars, qui t'a emmené? Là, c'est chaud. Et tu dis, j'ai dans ma là, dis-toi, j'ai pas regardé mon texte. Ça fait que je sais pas encore que j'ai plus de texte, j'ai plus d'appui. C'est comme si Ah tu vas ouais. jouer, tu vas sans protège tibia et tu vas jouer contre Jimmy Carragher, tu vois. Tu vas prendre des coups. Et j'arrive, je dis, ouais, ça va ou bien ou quoi? Et en fait, le son, le retour, il est affreux. Genre, j'entends, devant moi, j'entends de ouf, derrière moi, j'entends pas, et j'entends aucun retour. J'entends un gars, il tousse, tu vois, il tousse fort. Je dis, ah ouais. Et dans ma tête, je me suis fait quoi? Je me suis dit, vas-y, on s'en fout. Et j'ai fait quoi? Allez, automate, robot, j'ai balancé mon texte, mais genre sans réfléchir. Et j'envoie mes blagues sans attendre de rire. Ça fait que les gens, même s'ils ils voulaient rigoler, ils n'ont pas le temps. Une Ouais. fois, je ralentis parce que je vois ça marche pas, une blague, je parle de mariage. Si, à un moment donné, je parle de mariage. Je m'assois et une meuf, elle me regarde parce que là, je dis, c'est une scène où les gens, ils mangent à côté de tes pieds, tu vois. Donc, il y a une meuf, elle me regarde, elle fait, oh, miskine. Et quand Oh je dis, là là. quand elle a dit miskine, c'est comme si tu mets un KO et que, genre, carré, je titube. Et après, j'essaie de me rattraper au grill, tu sais, dans l'UFC, là, j'essaie de me rattraper au grill. Et que le gars, il Ouais, saute, il te met des coups de coude, des coups de genou, tout ça. Et je ouais. crois, j'arrive à me relever et j'entends un mec qui crie, ouais! Il a littéralement fait ça. Il n'a pas fait de, ah, dégage, je sors. Il a essayé. Il n'y a pas de terme, quoi. Il y avait juste, c'était un langage qu'on ne comprend pas. C'était ce mec-là, il avait développé son propre langage, qui n'était pas du français, apparemment. Je sais pas c'est quel. En fait, peut-être c'est une langue en 2040, tu vois, mais on est. Tu vois, c'est un mec du futur, peut-être, tu Le mec, il est trop dans le turfu, tu vois. C'est comme le mec qui a toussé. On était en novembre 2019. Si ça se trouve, tu as eu le patient zéro du Covid, tu vois. Exactement. Et je savais pas. Ah. Et genre, bidouf, je vois ça, c'est Ah. dur. Et en fait, rien. Et en fait, j'ai des petits rires du gérant. Par exemple, le gérant, tu sais, je lui ai parlé vite fait, il rigole un peu. J'ai des petits rires sur des concepts, tu vois. Genre, je commence à faire une prémisse, les gens, ils rigolent. Mais c'est genre en mode. Mais tu sais, quand la salle, elle est balèze et de genre devant toi, à gauche, à droite et derrière toi, il n'y a aucun rire, ça fait mal, tu vois. Et finalement, moi, j'envoie mon blague, j'envoie mes blagues, j'envoie mes blagues. Après, je me retourne vers mon. Parce que je me suis enregistré, je me retourne vers le chrono, l'enregistrement, le dictaphone, et je vois, j'ai fait 9 minutes. Et je me dis, mais comment j'ai fait 9 minutes? J'ai eu deux rires, je crois. Sofiane, je continue et je sens qu'il faut que je m'arrête. Et je ne sais pas comment m'arrêter, parce qu'en fait, ça m'est jamais arrivé. Et je dis, ouais, bon, bah, c'est tout pour moi. Et j'entends des. TD. Ah ouais, enfin. Oh, Ah merci. Et je suis en non, mode. Ah oui, ah oui. Ah ah, non, j'étais aucune pitié, content. quoi. Ah non, aucune pitié. J'étais en mode. Ah ouais. Mais est-ce que C'est le mec qui incroyable. t'a présenté, il a annoncé que t'avais très peu de scènes devant toi? Enfin, derrière toi, Et, plutôt. tu vois, ce que je m'en rappelle, c'est que j'ai. Il m'a. Je crois. Même ce qu'il m'a annoncé, même. Il a fait le truc, tu vois, mais en mode. Pour lui, j'ai de l'expérience. Mais genre, ça va, tu vois. Et que si j'ai pas d'expérience, hey, frère, c'est moi qui ai accepté. Et pour moi, c'est. Vas-y, j'ai pas assez d'expérience pour savoir si tu m'annonces bien ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Sachant que dans ces 9 minutes, à un moment donné, je regarde ma main et tu vois que je me dis, merde, où sont mes protège tibia? Tu vois ce que je veux dire? Et je suis en mode, ah ouais. Et là, le coach, il ne peut pas te sortir. Donc après, je sors et je me dis que, tu vois, ça va, c'est un bide. Je remets en question, tu connais le bide, tu remets en question ta vie, tout ça. Tu dis, ça va aller, tu vois. Et je vois le mec, Normal. en fait, il commence à me parler chinois pour me payer, tu vois. Il me dit, ah gros, Silver, t'as mangé gratuit, c'est ça la paye, en gros. Je suis Mais en c'était mode, pas prévu comme ça à la base. ah ouais. Non, en fait, à la base, on n'en parle pas, lui et moi. Ils me disent, viens. Et moi, et je te dis, j'ai aucune expérience. Ça fait que je ne sais même pas ce qu'il fallait dire au début, s'il fallait négocier. Je dis juste, moi, je veux jouer. Et je me dis, il va me payer, comme même les chapeaux, tu vois, même les chapeaux claqués, je récupère au moins 1 euro, 2 euros, 3 euros. Bon, je ne récupérais pas, tu vois, mais on récupère ce qu'on peut, tu vois. On nous dit, vas-y, tiens, il reste 10 euros, tu prends les 10 euros, il y a rien. Là, il m'a dit, gros, t'as mangé pour. Je crois en plus, le mini, il était cher. J'avais mangé pour. Je crois que de mémoire, le mini, il était pas 60 euros, mais un truc comme ça, tu vois, dans les trucs. J'avais pris rentrée plat Ah ouais, dessert. J'avais bien mangé. d'accord. Tu sais, c'était un Ouais, ouais. resto, chicha, tout ça. Et il m'a dit, bah, vas-y, c'est ça, tu vois. Je dis, ah ouais, ok. Ouais, mais il Et il aurait y dû te avait. prévenir. Mais ça, il aurait fallu le dire dès le départ. C'est, écoute, si tu manges pas, si tu prends, on va dire, si tu prends jusqu'à tel niveau d'argent, eh ben à ce moment-là, tu pourras prendre tant d'argent à la fin. Si tu manges le menu complet, eh ben ça y est, t'as consommé, quoi. J'étais novice. Quand je dis noob, première sélection, tu vois, je fais contrôle, je fais passer à l'adversaire, il marque dans son but, et il marque dans mon but, et après on me regarde, et je suis en mode, ah ouais, je suis le dernier changement, tu vois, tu peux pas me changer encore. Tu vois, non, c'est ce qui se passe. Et après, je me dis, tiens, si c'était que ça, tu dis, c'est lourd, t'as bidé, tu rentres chez toi, tu pleures, c'est fini, frère. Je suis à pied, j'étais à 5, non. Allez, j'étais à 15-20 minutes de la gare, tu vois. Et c'est une ligne droite. Et je me dis, vas-y, c'est rien, je rentre, tu vois. Je vois, il n'y a plus de train. Comme tu connais, les chichas, c'est le soir. Je me dis, vas-y, je vais essayer de courir. Je commence à taper une vraie vitesse. J'arrive, on me dit, le train, c'est le dernier que je prends. Et déjà, j'ai du mal, tu vois, j'ai couru, mais j'ai eu du mal. Je l'ai eu. Bam. Je me dis, OK, c'est le dernier. RERE, je crois. Je me dis, OK, vas-y, il n'y a rien. J'arrive à Val-de-Fontenay. Et moi, il faut savoir que j'habite vers Disney. Ça fait que je prends le RERE, je descends, je prends le RERA et après, je suis rentré chez moi. Tu vois. J'arrive où? J'arrive à Val-de-Fontenay. Il n'y a plus de RER qui m'emmène vers chez moi. Oh. Le seul RER, c'est qu'il doit m'emmener sur Paris. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je dis, vas-y, tu sais quoi? Je vais prendre le RERA, je remonte sur Paris, mais je prends le. Je sais plus quel train je prends qui va m'emmener vers chez moi. Tu vois. Je me dis ça, je monte, j'arrive à Aubert. Je crois que je suis parti à Aubert. Je tape une vitesse. En fait, même pas, je prends pas le. Je prends le. Je reprends le RERE, parce que c'était pas mon dernier. J'arrive à Aubert, Aubert, je cours pour prendre le RERA qui. En fait, je recule pour partir, tu vois, pour revenir vers chez moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Quand je ouais, recule pour aller vers. Je recule. Me dis, plus je prends de l'élan, plus je. Tu vois. Gars, j'arrive à Aubert en RERE et je dois taper en gros. Je sais pas si tu vois Aubert. Et ben, en fait, tu peux choper le RERA. Parce qu'il n'y a plus de correspondance entre le A et le E. Mais si je cours, je peux le choper. Gars, j'ai tapé. Je crois que j'ai jamais d'accord. couru aussi vite. J'arrive, je vois le dernier RERA qui peut m'emmener vers chez moi. Il part. Il part sous mes yeux. Tu vois, c'était la perversité du truc. Oh. Ça va être C'est même pas ça, genre ma tu l'as vie. raté. Ah non. C'est même pas genre tu l'as raté il y a 10-15 minutes ou non. C'est Non. à 30 secondes près, c'était bon. 30 secondes. J'entends plus le pire, c'est que j'entends le. Tu vois, quand je suis dans l'escalator, j'entends le. Oh non! Pchit. Et après, je le vois partir. Je vois la meuf, la dernière meuf qui s'assoit dedans. Je vois le dernier gars qui a fraudé. Je suis sûr qu'il a fraudé, vu comme il a couru aussi, il a fraudé comme moi. Je dis, ouais, putain. Est-ce que le chauffeur en partant, il a pris le micro et il a dit Cher Silver? Il a dit, il a pas dit cher, frère, sur le quai, même tous les gens m'ont regardé et ils m'ont vu, tu vois, quand tu vois un gars de l'autre quai qui court et tu sais que c'est son dernier train, il est en mode. Parce que je dis, j'ai tapé une vitesse, jamais couru si vite, parce que je savais que j'allais pas avoir de train après. Et je Mais commence à c'est vrai qu'il y a regarder. des gens, quand ils te voient comme ça, il y a une espèce de satisfaction de t'as pas réussi à l'avoir, tu vois. Ouais, et il te regarde en mode, ah gars, change d'habitation, tu vois, habite plus dans Voilà, cette direction et fallait être là avant, trouve. quoi. Ouais, devient un clochard, tu vois. Et je me dis, vas-y, il n'y a rien, je prends le Noctilien. Mais j'ai le seum, tu vois, parce que le Noctilien, ça fait peut-être, à l'époque, ça faisait peut-être 5 ans, je ne l'avais pas pris. 5-6 ans, tu vois, j'avais décidé de plus vivre cette vie, parce que pour moi, un Noctilien, quand tu le prends, ta vie, elle est claquée. Ta soirée, elle est claquée, tu vois. Je l'ai déjà pris, je sais ce que c'est. Et je l'ai déjà pris Tu après une chicha aussi, d'ailleurs. vois. Tu vois. Donc, je vais m'asseoir, tu sais, je vais m'asseoir sur le Noctilien, devant le Noctilien, tu connais. Et il commence à pleuvoir, et je suis pas habillé en mode. Je suis habillé, je crois, j'ai une veste, un petit pull, mais pull d'été. Un t-shirt, c'est tout. Et il commence à pleuvoir, mais Ouais. vraiment, genre la pluie. Je commence à voir. Et il y a un petit avec moi, avec son faux pull Kenzo, qui a froid, et on est comme ça, on attend le Noctilien. Et je me dis, c'est fini, tu vois. Je prends le Noctilien, j'arrive chez moi. Gars, le Noctilien, que des fous. Genre, il y a au moins 4-5 clochards, mais ça pue. Et dans ça, là, j'ai pas de place pour m'asseoir. C'est-à-dire que quand je le prends au début, c'est bondé. Le Noctilien, il est bondé. Oh. Et je me dis, ah ouais, il y a une clocharde, elle rentre. Je crois, elle avait chié sur elle, ça sent. C'est-à-dire que t'es en mode, ah ouais. Mon Après, quand Dieu. elle sort, il y a une embrouille, ça fait que les mecs de la RATP viennent. Et moi, dans ma tête, je crois que j'ai peut-être 5, 6, 7 euros sur moi, tu vois. Et c'était pas pour acheter un ticket. Ça me fait, j'achète obligé, j'achète un ticket parce que j'ai pas envie de me faire attraper. Parce que tout ça, je l'ai fait en fraudant. Mais là, il me faut acheter un ticket avant, parce que je sens que ça va être en embrouille, etc. J'achète le ticket. Quoi encore? Le Noctilien, il fait, comme on connaît tous les Noctiliens, ils font le tour de la Terre. Ça fait que j'arrive chez moi. Là, je dis, il était peut-être 1h, 2h du matin. J'arrive chez moi, il est 5h. Et le lendemain, je travaille. Ça fait que le lendemain, je suis parti au taf. Je suis parti l'été. Ouais, je suis parti à 6h. Ouais, je suis parti à 6h, 7h. De chez moi. Et quand je me suis. Gros, t'as pas dormi, quoi. J'ai pas dormi. Et dis-toi que le soir, on me propose une chicha. Et je repars. Ah, t'y es retourné le lendemain? Ah, mais t'es un kamikaze, frère. Et je suis reparti, non pas dans la même, mais je suis reparti dans une autre chicha. Mais le soir. C'est-à-dire que j'ai fait mercredi, jeudi, chicha. Et les deux, je suis rentré en utilisant les deux. Bah, le jeudi après, c'est moins drôle, ou on va dire c'est moins gore, Ouais. mais je rentre pareillement à 4h du matin. Après le lendemain, je suis parti au travail. J'ai D'accord. bidé. En fait, ça a brisé quelque chose en moi, genre la honte, le fait que tu fais tes blagues, personne rigole. Ça, j'en avais plus rien à foutre. J'étais en mode, eh, vas-y, je joue, et si vous rigolez, tant mieux. Si vous rigolez pas, bah, c'est pas grave. Ça a brisé quelque chose en moi. Et ça fait aussi que ça m'avait fait un set sur la chicha qui était intéressant, tu vois, parce que le genre, j'ai fait jeudi, vendredi, samedi, peut-être, je vais au Barbès, je joue, et je raconte juste cette soirée-là, tu vois, avec des blagues mieux structurées. Frère, j'ai un des meilleurs sets que j'ai fait, ou une des meilleures prestations que j'ai fait de ma vie, tu vois, juste parce que j'ai raconté le truc énervé, avec en Ouais. mode, hey, gars, j'ai vécu une story de ouf, j'ai le seum, les chichas, c'est un traquenard, etc. Et j'ai... Bah, les gens, ils sentent la sincérité, tu vois. Ils aiment bien quand tu racontes les vraies choses. Donc là, ils voient que tu n'as pas menti, tu n'as pas inventé, tu as balancé tes histoires et tout. Et ils rigolent parce que, en fait, ils voient que tu te plains de cette galère qui t'est arrivée. Et du coup, ils se disent, punaise, le mec, il rigole de ça. On va rigoler avec lui, tu vois. Il y a une empathie et tout avec toi. On t'accompagne, quoi. Et c'était incroyable. Je passe, je crois que je fais 3 minutes. Je fais mes trucs que j'avais inventés. Le pire, c'est que dans la première soirée là, de la chicha, quand dans le tien, je commence à écrire un truc sur la chicha. Et j'écris tout ce qui s'est passé, tu vois. Le lendemain, quand je refais la chicha, je peaufine ce que j'ai écrit et je rajoute des trucs. Je joue exactement ce que j'ai écrit. Ça se passe super bien. Après, je crois que cette soirée-là, il y avait... Genre, je crois on joue. Et genre, t'as un moment donné, après moi, il y a un mec qui joue. Ça se passe bien. Et t'as Seb Melia qui était là dans la salle, il se lève, il joue. Il veut faire un 7 minutes, il fait quelques minutes genre, de ce qu'il a écrit, ça marche, ça cartonne. Ensuite, t'as Marie Desrolles qui joue aussi. Genre après, tout le monde s'est levé et s'est dit, je vais jouer, tu vois. Et je ne sais pas si c'est à cause de moi, mais c'est un peu à cause de moi, tu vois. Parce qu'avant, on joue, mais c'est pas de ouf. Tu vois, quand tu connais genre les scènes ouvertes où il n'y a que des humoristes, où ça joue, ça s'enchaîne, les gens ils font peut-être leur sûr, ça marche pas de ouf. Et t'as les gars un peu plus connus qui ne veulent pas forcément venir. Tu vois. Et là, je sais que après que j'ai joué, ça a mis un autre mood. Ça a mis un autre... Ça les a motivés. Les gens, après, les gens, frère, quand ils sont revenus, ça lâchait des grandes blagues, on cassait des barres. Quand c'est bien passé, je te dis, ça donnait de la force à plein les gens après. Wow, c'est une belle soirée. C'est une belle soirée. Ouais. Ben, c'est une belle revanche parce que du coup, tu as eu 3 soirs de suite, on va dire. Voilà, les 3 soirs n'étaient pas du tout les mêmes. Le premier, c'était un bide et une douleur comme pas possible. Le deuxième, ça allait un peu. Et puis le troisième, c'était une belle récompense, tu vois. C'est exactement moi, ça. Je pense qu'à la deuxième chicha, quand t'es arrivé et que le mec t'a dit qu'est-ce que tu veux manger, t'as dit je veux pas manger, je veux de l'argent. Mais je l'ai même, mais je suis parti avec une de mes cousines, on va dire une de mes tantes. Je suis parti avec elle, parce qu'elle m'avait jamais vu, elle me dit c'est vert, faut que je te vois. Tu vois, j'ai dit vas-y, pas de soucis, viens voir en chicha. Et dis-toi, moi j'ai pas dormi. Parce que j'ai dit que la chicha, j'ai pas dormi. Et je suis même pas sûr que mon texte il marche. C'est-à-dire que je vais jouer dans une chicha. La chicha, je oublie comment elle s'appelle. En gros, la scène, c'est une chicha, mais il n'y a personne au milieu, en face de toi. Tout le monde est sur les côtés. D'accord. Je crois que j'ai joué, on était deux. Déjà, au lieu de jouer, on m'a dit viens à 23h. Je viens à 23h. On me fait jouer à 1h du matin. Mais c'est toujours ça, les chichas. C'est toujours tard, super tard. Ouais, tu vois. En plus, le pire, c'est que j'avais commencé à dire ouais, gars, c'est comment. Tu vois, poser des questions. Il m'a dit t'inquiète, nanana. Je vais jouer à 1h du matin, mais je joue 20 minutes. Non, je joue plus même, tu vois, je joue vraiment plus. Et ça marche, il y a des trucs qui marchent un peu, tu vois. Et après, je fais quoi? Je fais quelque chose que je ne connaissais pas, dans le sens où j'avais jamais fait vraiment. Je fais de l'impro, tu vois. Je parle aux gens, je réponds, ça rigole un peu, tu vois. Et le pire, c'est que ça me fait rigoler, c'est que les gars, en même temps que je parle avec eux, ils se lèvent, ils partent. Tu vois, normal, dans le plus grand des calmes. Le gars, je lui parle avec lui, je dis, ouais, toi, tu ressembles à un bandit, tout ça. Je suis sûr que tu gères rien, peut-être ça. Et ça arrive, ça fait rigoler, tu vois, parce qu'il a une vraie tête de bandit. Là, le gars, il se lève, il part, et je me dis, peut-être il va me séquestrer à la fin. Et ça fait rigoler tout le monde. Mais quand ça fait rigoler tout le monde, ils sont 5, tu vois. Donc ça fait rigoler tout le monde. Et dans les 5, il y a l'organisateur, l'humoriste qui va jouer après moi, et ma grande tante, tu vois. Et je suis en mode, ah ouais. Tu vois. Le bandit, alors du coup, il t'a libéré au bout de combien de jours? Ah ben, dis-toi que je parle pas sous. Avec la totale véracité. C'est-à-dire qu'il est derrière moi et il m'attend là. Il me dit, Silver. T'es encore chez lui là. Va te poster. Ah non, je suis devenu un guetteur. Je fais des blagues et je guette. Ben écoute, en temps de Covid, on est obligé de se renouveler. Hein. Ouais, on se reconvertit. Hein, et je suis en plus, le pire, c'est que je suis plus nul parce que je viens de Poucave que j'étais un guetteur sur un podcast. Tu vois. Oh, mais en tout cas, vraiment respect à toi parce que tu es parti en mode guerrier. Ça t'a pas brisé. Tu sais, tout à l'heure, quand je disais que tu avais présenté la collection du bide printemps-été, évidemment. Évidemment, tu te doutes bien que ce n'est pas du tout pour dire que je suis meilleur ou quoi. C'est, je ne connais pas un humoriste qui n'a jamais bidé en chicha, tu vois. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas un seul. Donc, ne t'inquiète pas. Les chichas, j'ai commencé par là. Bider en chicha, c'est la base. Et j'ai dit ça au même titre que moi, si j'y avais été, j'aurais bidé aussi. Parce que les chichas, c'est très compliqué. C'est une école très, très dure. Ça revient souvent dans le podcast. Et franchement, c'est compliqué, donc respect. Et on y va tous pour les mêmes raisons, l'argent, tout simplement. Ah, tu vois. Pour l'argent. Et dis-toi que moi, j'ai même pas fait les chichas. Les chichas qui sont. Bah, par exemple, là, quand je t'ai dit, j'ai parti avec un pote, et lui, il est parti, il a joué en chicha. J'ai même pas fait cette chicha-là, tu vois. Il avait pris son 60 euros, il avait bidé, mais c'était dur, tu vois. Très, très dur. Et bah, dis-toi, moi, j'ai même pas fait ce niveau-là encore. Je suis parti dans des chichas, et la première, elle était bien. Mais j'ai bidé, on était que deux, tu vois. Il y avait un autre humoriste qui, après lui, il a bien marché, c'était un mec un peu plus connu. qui a bien marché, archi cool. Mais la deuxième, c'était une chape. De ce que j'ai compris, personne n'y va, tu vois. De base, ces chichas, ils prennent que, tu vois, les nouveaux qui savent, qui connaissent rien au stand-up et qui se disent, je veux jouer, ils disent, vas-y, viens, chicha, viens. Tu sais, le truc du genre en mode, comment ça s'appelle? Le coin un peu que personne va, mais tous ceux qui connaissent, ils y vont plus, tu vois. Tu vas pas cinq fois, tu vas une seule fois. D'accord. Parce que tu savais pas. Et donc, tu partis là-bas et tu vas plus jamais. Je pense qu'on peut donner le nom de la chicha, hein, ça s'appelle le guet-apens. Ah, moi, je donne pas le nom, moi, je donne pas le nom. Ça aurait pu. Ouais, mais oui. Ça aurait pu s'appeler le guet-apens. Ah oui, pour tous les humoristes, je pense qu'ils vont reconnaître un peu clairement certains détails. Mais c'est drôle. Et après, moi, tu sais, aussi, j'ai bidé, mais ça, c'est moins, on va dire, c'est moins drôle. C'est plus, tu vois, genre, moi, le truc qui est anecdotique parce que ça arrive pas souvent. J'ai pas fait mon background, mais j'ai commencé à jouer, on va dire, à faire ça un peu inconsciemment dans l'église parce que je suis chrétien et j'ai commencé à faire des blagues, etc. Comme, on va dire, sous forme stand-up dans une église, faire des sketchs, etc. D'accord. Et un jour, dis-toi qu'on en a fait plusieurs, tu vois. Et un jour, à un moment donné, moi, dans mon esprit, je me dis, vas-y, je vais essayer d'aller plus loin dans cette forme d'art. Donc, je commence à regarder comment ça se fait. Et je vois qu'en fait, des fois, souvent, ce qui se fait, c'est que tu prends un thème et après, tu mets une analyse, tu vois. Tu dis, voilà, j'ai vu ça, c'était drôle. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tu commences à faire les comparaisons. Tu connais le setup de blague. Ouais, les ficelles, ouais. Exactement. Et moi, je pars, en fait, on avait un thème. C'est comment, en tant que chrétien, en tant que jeune, parce que je parlais à des jeunes, tu vois, c'était un moment pour parler aux jeunes de l'église. Comment ils doivent se comporter ou comment ils doivent se placer dans le monde actuel, tu vois. Et je prends à l'époque, je sais pas si tu te rappelles de la vidéo, le gars il dit, moi je suis une, qu'est-ce que veut dire que je suis un homme? Ah oui, le gars qui avait dit pourquoi, ouais, qui vous dit que je suis un homme, ouais. Qui vous dit que je suis un homme, tu vois. Et je prends cette vidéo et on est avec mes potes et on regarde la vidéo, on casse des barres. Donc on était dans le bon mindset, tu vois. On regarde la vidéo, on commence à échanger et on rigole. Mais le problème c'est que dans l'échange, il n'y avait que moi qui réfléchissais en mode stand-up. Et eux, ils parlaient déjà, on faisait des blagues. Moi, je note pas, on n'a pas la même rigueur de choix d'écriture. Ça fait que je note des trucs et entre nous, ça rigole pas. Et à l'époque, moi, je me dis, comme ça rigole pas, ça va pas rigoler sur scène. Mais je fonce quand même, je suis têtu. Gars, j'écris mes blagues, tout ça. Et de base, c'est moi qui, on va dire, d'habitude, c'est moi qui host. C'est moi qui présente le show et après, les gens, ils viennent, ils donnent le thème, etc. Ils donnent leurs blagues et leurs thèmes. Là, j'ai dit, vas-y, comme là, je vais faire un truc un peu plus poussé. Plus truc, parce que là, je vais vraiment faire du stand-up. C'est-à-dire, je dis, hey, les gars, moi, j'ai vu cette vidéo, vous vous rappelez de cette vidéo? Nanana, ça me fait rigoler, ça, ça va. Donc, on va dire, l'orateur, il a introduit le concept, il dit, ouais, aujourd'hui, les frais, les petits, on va parler de stand-up, et à mon gars, Silver. Et en fait, c'est pas moi qui commence, c'est un pote à moi, c'est un des gars avec moi qui m'intronise. Il vient, il dit, ouais, Silver, il commence, il chauffe la salle, c'est lui le host. Ça se passe bien, parce qu'il parle de trucs de jeunes. Et les jeunes, tu vois, c'était l'époque, par exemple, de début. Quand Snapchat était encore à la mode, tu sais, TikTok, ça n'existait pas encore. Mm-hmm. Donc, il est en mode, il fait des blagues sur Snapchat, les gens, ils rigolent, les petits, ils parlent, tu vois, les petits, ils kiffent, ils rigolent. Il me dit, vas-y, faites un maximum pour Silver. Wow. Comme ça, à l'église, ça commence à un peu dire, ouais, les gens, en plus, on se connaît tous. C'est ça qu'il faut savoir, à l'église, tout le monde se connaît, parce que c'est la famille, un peu, etc. Donc, je rentre, moi, je me dis, ouais, ça va bien se passer, je commence mes trucs, bah, bah, bah, bah, bah, j'enchaîne. J'ai trois rires, et c'est des rires de compassion de gens qui étaient là avec moi dans l'écriture du sketch. Aïe, aïe, aïe. Et je suis en mode, ah ouais. Et là, et c'est pas une petite salle. Hein. Là, je te parle de. Il y a deux, en gros, c'est 60 personnes divisées par deux grandes rangées. C'est, en gros, c'est une salle. Il y a deux grandes rangées. Il y a, on va dire, 60 chaises. Et il y a 30 enfants à gauche, 30 enfants à droite. Et moi, je suis un peu au milieu, tu vois. Alors, au milieu, il y a une grande allée. Et je suis en mode, et je vois les petits, ils me regardent, mais aucun rire. Genre, j'envoie des concepts, je lui ai dit, mais lui, il se prend pour qui? Il se prend pour un ordi. Et mais en fait, dans le futur, à la fin, je fais une petite morale, tu connais, tu vois, parce que c'est un peu c'est un milieu un peu religieux, donc je fais une petite morale. Nanana. Tu vois, là, à la fin, là, quand j'ai fini de parler, tu n'as pas répondu tout de suite, c'est pareil. J'ai fini. J'écoutais. Ouais, ils ont fait. Je te rassure. Sofiane, c'est ça le problème. Ouais. C'est que, normalement, quand tu fais du stand-up, t'écouter, c'est pas. Ce qu'on veut comme interaction, c'est rigoler. Oui, toi, avec le public, pareil. T'attendais qu'ils rigolent à la fin. Ouais. Ah, j'attendais qu'ils n'ont pas ri une fois. Pour te dire même... Ouais. Exactement, pour te dire même dans le truc, dans le sketch, je fais intervenir un pasteur. Je dis, hey, pasteur, nanana, tu vois. Et le pasteur, il devait me répondre. Tu sais, j'avais prévu qu'il me réponde d'une certaine manière et je rebondis. Gars, la façon dont il a répondu, je n'ai même pas pu rebondir. J'étais en mode, merci, pasteur. Ensuite, je savais que la nanie est vide totale. Et quand j'ai fini, genre, je passe le micro, quand je vais m'asseoir et je suis en train de réfléchir parce que je me dis là, c'est pas genre j'ai bidé dans la scène, sachant que ça, j'ai pas l'expérience de la scène, tu vois. je viens de recevoir un bide et je me dis, merde, j'ai bidé. Et t'as plein de gens, T'as un gars qui avait écrit avec moi, il vient me voir, il fait, Sylvain, t'as bidé. Et il vient, il me fait, et lui, il est en mode sans scrupule, il me lave. Il me dit, ta blague 1, elle était nulle, ta blague 2, elle était nulle, ta blague 3, elle était nulle, ta blague 4, elle était claquée. Il les a écrit avec toi. Ouais, il était là, en gros, il savait ce que j'allais dire. Il dit, rien n'est passé. Ah, d'accord. Rien n'est passé. Je pensais qu'il avait écrit avec toi. Non, il avait écrit avec moi. Là, en fait. Il sait ce que j'allais dire. Et lui, il rigolait pas. Et lui, il rigolait en mode genre soutien. Mais genre, tu vois, c'est quand tu as un rire, t'entends la clim, t'entends la ventilation, t'entends vous, et t'entends ha ha ha ha. Et après, tu n'as que des petits regards en mode ah ouais, c'est chaud. Et j'étais en mode ok. Mais franchement, moi, je vais te dire. C'est quoi, t'as mon respect, Silver, parce que je vois que t'es un warrior, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu y vas quand même et tout, même si on t'a dit c'est chaud et tout, machin, comme tu l'as dit, t'es têtu et tu fonces quand même, tu y vas. Donc vraiment, respect à toi. Et moi, je pense que je vais t'upgrader maintenant. Tu t'appelles plus Silver, tu t'appelles Gold, frérot. Oh, merci. Parce merci que vraiment, t'as le courage. Ah ben, t'as le courage et t'as foncé dans le tas et tout, et c'est pas donné à tout le monde. Il y en a, juste après le bide à l'église, ils auraient plus jamais tenté de faire du stand-up, tu vois. Ah, gars, moi je crois que j'avais le truc de. Moi je voulais remonter sur scène et à l'époque j'ai que les scènes, j'ai que l'église, tu vois. Donc je suis reparti sur du matos sûr. Tu sais, j'avais une story que je racontais à l'église qui était un peu drôle, tu vois. Et cette là, je l'avais laissé de côté. Ah, dès que j'aurais pu jouer, parce que c'était un peu, on va dire, à l'époque, on va dire, c'était un truc, un concept que les gens aimaient bien parce qu'on a continué. Donc dès que j'ai pu la refaire, j'ai refait. Tu sais, quand tu refais ton sûr là, parce que c'est souvent ce qu'on fait quand tu t'as joué, t'as bidé. Dès que la prochaine scène que tu vas faire, tu vas jouer ton sur direct. J'ai rejoué mon sur, genre 2 semaines après, j'ai eu l'occasion. J'ai dit, vas-y, il faut que je joue du sur. J'ai retravaillé mon texte. J'ai joué mon sur. Et là, c'est passé. Ouais, c'est passé. Oui, c'est passé. Ah. Crème. C'était une histoire déjà rodée, que j'avais déjà racontée, qui marchait. J'ai juste transformé pour qu'elle rentre dans le thème. Mais je suis allé à l'essentiel. Et je voulais, c'était ma dose de, je finis pas sur un bide, tu vois. Tu voulais te rassurer en fait. Ouais, voilà. Et à l'époque, j'avais même pas sciencé le truc du stand-up. Je vais faire du stand-up. J'ai juste dit, là, j'ai fait de mauvaises prestations et j'ai ce truc de footballeur, tu as l'orgueil du sportif. Je vais pas finir sur un match, une mauvaise prestation. D'accord. Ah bah c'est bien. Franchement, t'as une bonne mentalité et tout. Et puis maintenant, dans le stand-up, j'imagine que t'as enchaîné les scènes et que les échecs, tout ça, je veux dire, ça te fait pas reculer. Et c'est exactement ce qu'il faut. Parce qu'il faut avoir un mental d'acier pour faire du stand-up, tu vois. Et affronter le monde des scènes ouvertes, le monde de l'humour avec les requins qui s'y trouvent, tu vois. Tout le monde n'est pas bienveillant, tu vois. Il y a des gens super bienveillants et puis il y en a, c'est des gros bâtards. Ils te voient arriver, au lieu de te tendre la main, de te dire « Tiens frérot, vas-y, tiens, si tu veux faire ma première partie ou quoi ?» Il va dire « Bah tu sais quoi, lui, je veux qu'il galère, tu sais quoi, tiens, je vais même te mettre des bâtons dans les roues, je veux que tu galères autant que moi. » Ouais. Non, après, c'est un monde, je pense que il faut, parce qu'on en connaît plein des gens qui sont forts mais qui arrêtent, on en connaît plein des gens. En gros, j'ai compris un truc, c'est peut-être, les gens vont peut-être pas comprendre, mais il y a des gens, c'est pas forcément les plus drôles, qui marchent, ou ce n'est pas forcément les plus drôles, c'est les gens les plus déterminés. C'est enfin, les plus déterminés, les plus travailleurs. Les plus travailleurs, les plus acharnés. Souvent, je regarde ça, je regarde le stand-up comme le football, tu vois, le milieu du foot. Je sais que moi, j'ai kiffé, j'ai joué longtemps au football, et c'était pareil, on était beaucoup. Ce n'est pas forcément le plus talentueux qui devenait pro ou qui signait dans un club, etc. Tu vois, c'était souvent les gars qui étaient déter, ces gars qui avaient une mentalité, ces gars qui étaient suivis, par exemple, qui avaient forcément des parents derrière eux, etc., tu vois, qui perçaient. Parce que j'en connais plein, des gars drôles, tu vois. Je pense même moi, dans mon entourage, forcément, comme entre stand-upers, on sait que ce n'est pas forcément nous les plus drôles dans notre entourage, mais il y a une autre démarche, il y a d'autres trucs, il n'y a pas que les blagues. C'est le plus important, il faut avoir des blagues, il faut avoir sens de l'humour, mais ce n'est pas ce qui va peut-être te débarquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont drôles, et maintenant, en plus, ça s'est un peu plus démocratisé, donc c'est technique. Et c'est un monde, je pense, de, comme tu as dit, de requins. Il faut être armé mentalement. Il faut être prêt mentalement. Et sinon, tu vas faire sur toi et tu vas arrêter vite. c'est ça. Mais moi, je vois que tu as la bonne mentalité. Et puis moi, je suis comme ça aussi. Tu vois, je suis vraiment en mode, si je me suis cassé la gueule, si je prends un bide, je veux vite remonter sur scène pour pouvoir laver l'affront, tu vois. Donc, t'inquiète pas, on est tous pareils à ce niveau-là. Merci beaucoup, Silver, merci. C'était des belles anecdotes avec grand, grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, moi, on me retrouve, c'est simple, hein, silver.série sur Instagram. J'ai mis un peu ou trois petites capsules de ce que je fais. Tu as une chaîne pas, YouTube aussi? Non, pas encore de chaîne YouTube, mais tu peux me retrouver sur YouTube. J'ai fait un tarmac. Vous D'accord. tapez tarmac silver et j'ai fait un tarmac là et okay. ça c'est de la force. Force à eux déjà et force à toi aussi pour les blagues sur même ton plateau. Même pardon, même c'est même stand-up. Ouais, même de stand-up, stand-up. Ouais. Très drôle. Merci beaucoup. Plateau, c'est sympa. Oui, c'est ça. Bah, c'est quelqu'un qui l'avait sorti, qui avait sorti des blagues sur le stand-up, sur les plateaux de stand-up, genre pendant la pandémie. Et moi, j'ai ouais. trouvé ça génial. Et après, ça s'est arrêté pendant un bon moment. Et ça me manquait tellement. Je dis, bah, tu sais quoi, c'est bon, je vais les faire moi-même. Et donc, j'en faisais moi aussi. Après, il a repris. On s'est un peu taquiné et tout. J'en profite pour le saluer ou la saluer. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Mais donc. Voilà, on ne sait pas, c'est quelqu'un, on ne sait pas qui c'est l'équivalent de Copy Comique aussi, tu vois. Exactement, j'allais dire la même chose. Si ça se trouve, c'est Copy Comique. De ouf, mais je pense que c'est comme, tu vois, c'est un espèce de, si tu sais c'est qui, genre si tu viens dire, hey, moi je sais c'est qui, les gens vont te regarder en mode, mais non, c'est comme si tu avais acheté le premier Bitcoin, tu vois. C'est ça, c'est ça. T'es le mec qui a acheté le premier Bitcoin, ouais, je sais c'est qui Copy Comique. Ouais. Non, mais franchement, je sais pas du tout qui c'est, mais c'est pas grave. Moi, j'approuve l'action, que ce soit Copy Comique ou même ton plateau, j'approuve leur travail à tous les deux. Donc voilà, et je suis ravi de faire ça. Ouais, je balance des mèmes sur mon compte Sofiane et Taï ou sur le compte même de Stand Up aussi. Merci pour le soutien, merci pour la force. Et, ah non, c'est drôle, et donc, avec plaisir, merci. Écoute, je mettrai dans les liens, je mettrai Facebook, Instagram et ta vidéo du tarmac. Parfait, parfait, merci bon. À toi. Eh bien, super, avec grand plaisir. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.